À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, les journaux et les revues russes ont présenté les numéros spéciaux avec les photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Le journal Khabarovsky Express et la revue d'internet Lemchichi ont souligné que l'idéal de l'union pour abattre l'impérialisme proposé par le président Kim Il-sung a continué invariablement grâce à son excellence Monsieur Kim Jong-il et que l'œuvre anti-impérialiste de l'union pour abattre l'impérialisme continue à merveille grâce au maréchal Kim Jong-un. Le journal Nijegorodskaya Pravda numéro 105 a informé des idées du Juche, idéologie directrice du Parti du Travail de Corée et de la cohésion entre le parti et les masses. Les journaux Komsomolskaya Pravda et Serp i Molot ont indiqué que l'union pour abattre l'impérialisme est la base historique du Parti du Travail de Corée et présenté les espoirs immortels des grands leaders accomplis pour la fondation et le développement du Parti du Travail de Corée.